Section 14 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 14. L'abbé Constantin par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 5. Première partie. Paris autrefois appartenait aux Parisiens, et cet autrefois n'est pas très loin de nous, 30 ou 40 ans à peine. Les Français à cette époque étaient maîtres de Paris, comme les Anglais sont maîtres de Londres, les Espagnols de Madrid et les Russes de Saint-Pétersbourg. Ces temps ne sont plus. Il y a encore des frontières pour les autres pays. Il n'y en a plus pour la France. Paris est devenue une immense tour de Babel, une ville internationale et universelle. Les étrangers ne viennent pas seulement visiter Paris, ils viennent y vivre. Nous avons à présent à Paris une colonie russe, une colonie espagnole, une colonie levantine, une colonie américaine. Ces colonies ont leurs églises, leurs banquiers, leurs médecins, leurs journaux, leurs pasteurs, leur pop et leur dentiste. Les étrangers ont déjà conquis sur nous la plus grande partie des Champs-Élysées et du boulevard Malherbe. Ils avancent, ils s'étendent. Nous reculons, refoulés par l'invasion. Nous sommes obligés de nous expatrier. Nous allons fonder des colonies parisiennes dans la plaine de Passy, dans la plaine de Monceau, dans les quartiers qui autrefois n'étaient pas du tout Paris et qui ne le sont pas encore tout à fait aujourd'hui. Parmi ces colonies étrangères, la plus nombreuse, la plus riche, la plus brillante, c'est la colonie américaine. Il y a un moment où un Américain se sent assez riche, un Français jamais. L'Américain alors s'arrête, respire un peu et tout en ménageant le capital, ne compte plus avec les revenus. Il sait dépenser. Le Français ne sait qu'épargner. Le Français n'a qu'un seul véritable luxe, ses révolutions. Prudemment et sagement, il se réserve pour elles, sachant bien qu'elles coûteront fort cher à la France, mais qu'elles seront en même temps l'occasion de placements fort avantageux. Le budget de notre pays n'est qu'un long emprunt, perpétuellement ouvert. Le Français se dit « Tes horizons, tes horizons, tes horizons. » Il y aura, un de ces matins, quelque révolution qui fera tomber le 5% à 50 ou 60 francs. J'en achèterai, puisque les révolutions sont inévitables. Tâchons du moins d'en tirer profit. On parle sans cesse des gens ruinés par les révolutions, et plus grand peut-être est le nombre des gens enrichis par les révolutions. Les Américains subissent très fortement l'attraction de Paris. Il n'est pas au monde de ville où il soit plus agréable et plus facile de dépenser d'argent. Par des raisons de race et d'origine, cette attraction s'exerçait sur Madame Scott et sur Miss Percival d'une façon toute particulière. La plus française de nos colonies, c'est le Canada, qui n'est plus à nous. Le souvenir de la patrie première a persisté très puissant et très doux au cœur des émigrés de Québec et de Montréal. Suzy Percival avait reçu de sa mère une éducation toute française et elle avait élevé sa sœur dans le même amour de notre pays. Les deux sœurs se sentaient françaises, mieux que cela, parisiennes. Aussitôt que cette avalanche de millions se fut abattue sur elles, un même désir les posséda, venir vivre à Paris. Elles demandèrent la France comme on demande la patrie. Monsieur Scott fit quelque résistance. « Quand je ne serai plus là, disait-il, quand je viendrai seulement tous les ans passer 2 ou 3 mois en Amérique pour surveiller vos intérêts, vos revenus à toutes deux diminueront. » « Qu'importe, répondait Suzy, nous sommes riches, trop riches. Partons, je vous en prie. Nous serons si contentes, si heureuses. » M. Scott se laissa fléchir, et Suzy, dans les premiers jours de janvier 1880, put écrire la lettre suivante à son amie, Cathy Norton, qui depuis quelques années déjà habitait Paris. « Victoire, c'est décidé. Richard a consenti. J'arrive au mois d'avril et je redeviens française. Vous m'avez offert de vous charger de tous les préparatifs de notre installation à Paris. Je suis horriblement indiscrète. J'accepte. Je voudrais, dès que je mettrai le pied à Paris, pouvoir jouir de Paris, ne pas perdre mon premier mois en course chez les tapissiers, chez les carrossiers, chez les marchands de chevaux. Je voudrais, en descendant du chemin de fer, trouver dans la cour de la gare ma voiture, mon cocher, mes chevaux. Je voudrais vous avoir ce jour-là, à dîner avec moi chez moi, louer ou acheter un hôtel, engager des domestiques, choisissez les voitures, les chevaux, les livrées. Je m'en rapporte absolument à vous. Que les livrées soient bleues, voilà tout. Cette ligne est ajoutée à la demande de Bettina, qui, par-dessus mon épaule, regarde ce que je vous écris. Nous n'amenons en France avec nous que 7 personnes. Richard, son valet de chambre, Bettina et moi, nos femmes de chambre, les 2 gouvernantes des enfants, plus 2 boys, Toby et Bobby, qui nous suivent à cheval. Ils montent dans une rare perfection. 2 vrais petits amours, même taille, même tournure, presque même figure. Nous ne trouverions jamais à Paris de groom mieux appareillé. Tout le reste, choses et gens, nous le laissons à New York. Non, pas tout le reste. J'oubliais 4 petits poneys, 4 bijoux, noirs comme de l'encre, avec des balsanes blanches, tous les 4 aux jambes. Nous n'aurons pas le cœur de nous en séparer. Nous les attelons sur un duc, c'est charmant. Nous menons très bien à 4, Bettina et moi. Des femmes peuvent, n'est-ce pas, sans trop de scandale, mener à 4, au bois, le matin, de bonne heure. Ici, cela se peut. Surtout, ma chère Cathy, ne comptez pas avec l'argent. Des folies. Faites des folies. Voilà tout ce que je vous demande. Le jour même où Madame Norton recevait cette lettre, la nouvelle éclatait de la débâcle d'un certain Garneville, gros spéculateur, qui n'avait pas eu de flair. Il avait senti de la baisse quand il aurait fallu sentir de la hausse. Ce Garneville, 6 semaines auparavant, s'était installé dans un hôtel battant tout neuf et qui n'avait d'autre défaut qu'une trop violente magnificence. Madame Norton signa un acte de location, 100 000 francs par an, avec faculté d'acheter l'hôtel et le mobilier pour 2 millions dans la première année du bail. Un tapissier de grand style se chargea de corriger, d'adoucir le luxe démesuré d'un ameublement criard et tapageur. Cela fait, l'ami de Madame Scott eut le bonheur de mettre, du premier coup, la main sur 2 de ces artistes éminents sans lesquels une grande maison ne pourrait se fonder et ne saurait fonctionner. D'abord, un chef de premier ordre qui venait d'abandonner un vieil hôtel du faubourg Saint-Germain, à son grand regret, car il avait des sentiments aristocratiques. Il lui en coûtait un peu d'aller servir chez des bourgeois, chez des étrangers. « Jamais, dit-il à Madame Norton, je n'aurais quitté le service de Madame la Baronne si elle avait soutenu son train sur le même pied. Mais Madame la Baronne a 4 enfants, 2 fils qui ont fait des bêtises et 2 filles qui seront bientôt en âge d'être mariées. Il faudra les doter. Enfin, Madame la Baronne est obligée de se resserrer un peu et la maison n'est plus assez importante pour moi. » Ce patricien distingué fit ses conditions. Bien qu'excessives, elles n'effrayèrent pas Madame Norton, qui savait avoir affaire à un homme du plus sérieux mérite. Mais lui, avant de se décider, demanda la permission de télégraphier à New York. Il avait besoin de prendre des renseignements. La réponse fut favorable. Il accepta. Le second grand artiste était un piqueur d'une très rare et très haute capacité, qui venait de se retirer après fortune faite. Il consentit cependant à organiser les écuries de Madame Scott. Il fut bien entendu qu'il aurait toute liberté dans les acquisitions de chevaux, qu'il ne porterait pas la livrée, qu'il choisirait les cochers, les grooms et les palefreniers, qu'il n'y aurait jamais moins de 15 chevaux à l'écurie, qu'aucun marché ne se ferait avec le carrossier et avec le sellier sans son intervention, et qu'il ne monterait sur le siège que le matin, en costume de ville, pour donner des leçons de guide à ses dames et aux enfants, s'il était nécessaire. Le chef prit possession de ses fourneaux et le piqueur de ses écuries. Tout le reste n'était qu'une question d'argent, et Madame Norton, à cet égard, usa largement de ses pleins pouvoirs. Elle se conforma aux instructions qu'elle avait reçues. Elle fit, dans ce court espace de 2 mois, de véritables prodiges pour que l'installation des Scott fût absolument complète et absolument irréprochable. Et voilà comment, lorsque le 15 avril 1880, Monsieur Scott, Suzy et Bettina descendirent du rapide du Havre à 4h30 sur le quai de la gare Saint-Lazare, ils trouvèrent Madame Norton qui leur dit « Votre calèche est là, dans la cour. Il y a derrière la calèche un landau pour les enfants et derrière le landau un omnibus pour les domestiques. Les 3 voitures à votre chiffre, conduites par vos cochers et attelées de vos chevaux. Vous demeurez 24 rue Murillo, et voici le menu de votre dîner de ce soir. Vous m'avez invité il y a 2 mois. J'accepte et je prendrai même la liberté de vous amener une 15aine de personnes. Je fournis tout, même les invités. Rassurez-vous, vous les connaissez tous. Ce sont de nos amis communs. Et dès ce soir, nous pourrons juger des mérites de votre cuisinier. » Madame Norton remit à Madame Scott une jolie petite carte entourée d'un fil d'or qui portait ces mots « Menu du dîner du 15 avril 1880 » et au-dessous « Consommé à la parisienne, truite saumonée à la russe, etc. » Le premier parisien qui eut l'honneur et le plaisir de rendre hommage à la beauté de Madame Scott et de Miss Percival fut un petit marmiton d'une 15aine d'années, qui se trouvait là, vêtu de blanc, sa manne d'osier sur la tête, au moment où le cocher de Madame Scott, gêné par un embarras de voiture, sortait difficilement de la cour de la gare. Le petit marmiton s'arrêta net sur le trottoir, ouvrit de grands yeux, regarda les 2 sœurs avec un air d'ébahissement et leur lança hardiment en plein visage ce simple mot. Mazette. Quand elle vit venir les rides et les cheveux blancs, Madame Récamier disait à une de ses amies « Ah, ma chère, il n'y a plus d'illusion à se faire. Depuis le jour où j'ai vu que les petits ramoneurs ne se retournaient plus dans la rue pour me regarder, j'ai compris que tout était fini. » L'opinion des petits marmitons vaut, en pareil cas, l'opinion des petits ramoneurs. Tout n'était pas fini pour Suzy et pour Bettina. Tout commençait, au contraire. 5 minutes après, la calèche de Madame Scott montait le boulevard Haussmann au trot lent et cadencé de 2 admirables chevaux. Paris comptait 2 Parisiennes de plus. Le succès de Madame Scott et de Miss Percival fut immédiat, décisif, foudroyant. Les beautés de Paris ne sont pas classées et cataloguées comme les beautés de Londres. Elles ne font pas publier leurs portraits dans les journaux illustrés et ne laissent pas vendre leurs photographies chez les papetiers. Cependant, il existe toujours un petit état-major d'une 20aine de femmes qui représente la grâce, l'élégance et la beauté parisienne, lesquelles femmes, après 10 ou 12 années de service, passent dans le cadre de réserve, tout comme les vieux généraux. Suzy et Bettina firent tout de suite partie de ce petit état-major. Ce fut l'affaire de 24 heures, pas même 24 heures, car tout se passa entre 8 heures du matin et minuit, le lendemain même de leur arrivée à Paris. Imaginez une sorte de petite féerie en 3 actes, et dont le succès irait grandissant de tableau en tableau. Premièrement, une promenade à cheval, le matin à 10 heures, au bois avec les 2 merveilleux grooms importés d'Amérique. Deuxièmement, une promenade à pied, à 6 heures, dans l'allée des acacias. Troisièmement, une apparition à l'opéra, le soir, à 10 heures, dans la loge de Madame Norton. Les 2 nouvelles furent immédiatement remarquées et appréciées, comme elles méritaient de l'être, par les 30 ou 40 personnes qui constituent une sorte de tribunal mystérieux et qui rendent, au nom de tout Paris, des arrêts sans appel. Ces 30 ou 40 personnes ont de temps en temps la fantaisie de déclarer « délicieuse » telle femme manifestement laide. Cela suffit. Elle paraît délicieuse à dater de ce jour. La beauté des 2 sœurs n'était pas discutable. On admira le matin leur grâce, leur élégance et leur distinction. On déclara dans l'après-midi qu'elles avaient la démarche précise et hardie de 2 jeunes déesses, et le soir, ce ne fut qu'un cri sur l'idéale perfection de leurs épaules. La partie était gagnée. Tout Paris, dès lors, eut pour les 2 sœurs les yeux du petit marmiton de la rue d'Amsterdam. Tout Paris répéta son mazette, bien entendu, avec les variantes et les développements imposés par les usages du monde. Le salon de Madame Scott prit immédiatement tournure. Les habitués de 3 ou 4 grandes maisons américaines se transportèrent en masse chez les Scott, qui eurent 300 personnes à leur premier mercredi. Leur cercle très rapidement s'accrut. Il y avait un peu de tout dans leur clientèle, des Américains, des Espagnols, des Italiens, des Hongrois, des Russes et même des Parisiens. Lorsqu'elle avait raconté son histoire à l'abbé Constantin, Madame Scott n'avait pas tout dit. On ne dit jamais tout. Elle se savait charmante, aimait qu'on s'en aperçût et ne haïssait pas qu'on le lui dit. En un mot, elle était coquette. Aurait-elle été parisienne sans cela? Monsieur Scott avait en sa femme une pleine confiance et lui laissait une entière liberté. Il se montrait peu. C'était un galant homme qui se sentait vaguement embarrassé d'avoir fait un tel mariage, d'avoir épousé tant d'argent. Ayant le goût des affaires, il se plaisait à se consacrer tout entier à l'administration des 2 énormes fortunes qui étaient dans ses mains, à les grossir sans cesse, à dire tous les ans à sa femme et à sa belle-sœur « Vous êtes encore plus riche que l'année dernière ». Non content de veiller avec beaucoup de prudence et d'habileté aux intérêts qu'il avait laissés en Amérique, il se lança, en France, dans de grandes affaires et réussit à Paris comme il avait réussi à New York. Pour gagner de l'argent, il n'y a rien de tel que de n'avoir pas besoin d'en gagner. On fit la cour à Madame Scott. On la lui fit en français, en anglais, en italien, en espagnol, car elle savait ces 4 langues. Et voilà encore un avantage que les étrangères ont sur ces pauvres parisiennes qui, généralement, ne connaissent que leur langue maternelle et n'ont pas la ressource des passions internationales. Madame Scott ne prit pas de bâton pour mettre les gens dehors. Elle eut en même temps 10, 20, 30 adorateurs. Nul ne put se vanter d'une préférence quelconque. À tous, elle opposa la même résistance aimable, enjouée, riante. Il fut clair qu'elle s'amusait du jeu et ne prenait pas un instant la partie au sérieux. Elle jouait pour le plaisir, pour l'honneur, pour l'amour de l'art. Monsieur Scott n'eut jamais la moindre inquiétude. Il avait parfaitement raison d'être tranquille. Bien plus, il jouissait des succès de sa femme. Il était heureux de la voir heureuse. Il l'aimait beaucoup, un peu plus qu'elle-même ne l'aimait. Lui, Elle aimait bien, et voilà tout. Il y a une grande distance entre « bien » et « beaucoup » quand ces deux adverbes sont placés après le verbe « aimer ». Quant à Bettina, ce fut autour d'elle une course fantastique, une ronde infernale, une telle fortune, une telle beauté. Miss Percival était arrivée à Paris le 15 avril. 15 jours ne s'étaient pas écoulés que les demandes en mariage commençaient à pleuvoir. Dans le cours de cette première année, Bettina s'était amusée à tenir fort exactement cette petite comptabilité. Dans le cours de cette première année, elle aurait pu, si elle avait voulu, se marier 34 fois. Et quelle variété de prétendants ! Fin de la section 14, lue par Margot.